Pas trop sentimental, aucun ami en trop. J'ai les gros méchants depuis tu peux, j'aime pas les trous. J'fais du sale sur un 16, mesure pas trop un pro. Vinel ou 9 mm, pas besoin d'un pro. Y'a du cash, on récup des quêtes tout dans la planque. Ça détaille, ça coffre la recharge même dans les plantes. Écoute, demande à mes gars si j'me plante avec un trait. La victime, j'allais la planter. On est des terres, on agirait si on est ganté. Y'a pas que à l'affût, ils font que des tours. Pour les pisser, j'te fais ma quiche, t'as les yeux bandés. Y'a un peu sucré, pas normal que j'fasse un tour. Avec mon asso, ça parle pété dans l'auto. Ça reroule l'inter, une tasse, ça refait les comptes. J'ai un tas de soucis, faut plus gros qu'un neuf auto. Y'a tout ce qu'il faut, mon plus capable faire les coques. Ça fume du camasserie, ça touche pas la coque. Du coco, un toca, on monte chez toi. Toqué, le RSC consomme plus que moi, t'es choqué. Du stocké, c'est que du cash, et côté fou. C'est pas la peine, tu m'étonnes pour une cassette. T'as jamais bossé devant nous, tu fais grossir. On a déjà filé le dernier jour devant la cafette. Obligé de le faire, au final, j'ai dû le crosser. En course poursuite, c'est connu, j'passe tous les rapports. Quotidien brosson, tous les jours, demande à gâteau. J'la découpe pressée si j'veux ma part du gâteau. Pose-toi plus de questions si j'suis ganté dans le quatro. Le bénéfice est déjà bloqué, j'suis seul dans la part. Vol ma peau, ma paire, ma bite, aussi ma part. J'connais pas la plaque du ref, mais celle de la barre. Tu trouves pas de coffret, y'a plus de sang moche dans la barre. Parle-nous pas de la rue, toi, tu la connais pas. Tu comptes sur tes potes, en vrai, t'es qu'un comédien. J'détaillais des quêtes, j'faisais que du racket. Et j'te parle d'époque où j'étais qu'un Quand ça parle en cash, on est tous concentrés. Quand ça parle pas cash, c'est difficile qu'on s'entend. Un bon TP, t'es bien récompensé. Si ta mère dit, tu connais bien les conséquences. Parle-nous pas de la rue, toi tu la connais pas. Tu comptes sur tes potes, en vrai t'es qu'un comédien. Détaillé des quêtes, je faisais que du racket. Et je parle d'époque où j'étais qu'un collégien. Quand ça parle en cash, on est tous concentrés. Quand ça parle pas cash, c'est difficile qu'on s'entend. Un bon TP, t'es bien récompensé. Si ta mère dit, tu connais bien les conséquences. Je suis toujours dans la zone, même quand ça va passer. Chacun sa part et sa peau quand ça rétient. Normal, je peux te niquer ta mère si je te connais pas. On s'en fout que t'es quoi ou t'es d'où tu connais qui. On sait qui fait quoi dans la cité. Les combés passent, ils sont à pas dans la cité. Pour le petit personne l'a incité. Si ça paye pas, c'est normal qu'il revienne niquer. J'ai cramé tes passerailles, mais j'ai pas fait la pute. J'ai fait fiancer l'ophané qui t'arrache la gorge. Toujours seul dans le bendo, je vais pas faire la pute. Si ça pète, je viserai pas la tête, plutôt la gorge. Le somme la veille, ils ont pété mon tas. T'as ce midi, minuit, t'es pété toujours dans les temps. On connaît les descentes, brosseaux, les phares éteints. À la fille, y'a un guetteur qui crie, est-ce que t'entends? Impliqué si ça tire, faudra rappliquer. Soit t'es dedans ou soit tu cavales t'abriter. Que ça tombe sur moi, j'ai qualité, quantité. En cas de contrôle, pas besoin de ma carte d'identité. Ils connaissent pas le gérant, mais celui qui bosse. Celui qui pose fait péter après la passe, il sort un jour après, deux jours après. Reprendre sa place, ça t'attend dans l'auto, glauque et cascaraï, ça peut t'éteindre en moto. Tu connais la Tessie, les descentes de motard, la conscalée, je me retrouve allongé dans l'auto. Mon frérot t'a merdé, maintenant c'est trop tard, va niquer ta mère. Même si t'es pas content, des sous j'en ai compté, des potes j'en ai compté. Quand vous les joints t'allumer, j'ai plus ton temps. Parle-nous pas de la rue, toi tu la connais pas. Tu comptes sur tes potes, en vrai t'es qu'un comédien. Je détaillais des quêtes, je faisais que du racket. Et je te parle du poste où j'étais qu'un collégien. Quand ça parle en cash, on est tous concentrés. Quand ça parle pas cash, c'est difficile qu'on s'entend. Un bon TP, t'es bien récompensé. Si ta mère dit, tu connais bien les conséquences. Parle-nous pas de la rue, toi tu la connais pas. Tu comptes sur tes potes, en vrai t'es qu'un comédien. Je détaillais des quêtes, je faisais que du racket. Et je parle d'époque où j'étais qu'un collégien. Quand ça parle en cash, on est tous concentrés. Quand ça parle pas cash, c'est difficile qu'on s'entend. Un bon TP, t'es bien récompensé. Si ta mère dit, tu connais bien les conséquences.